basse, elle tabasse, mais ta voix elle est derrière ta basse. Tu peux pas te mentir. On peut pas. La basse est super. Paris, je te quitte, Paris. J'en ai trop marre. Je te quitte. Je te claque. Alexandrie, je vous dis à plus. Bonne nuit chez vous. bords du Nil ou de la Garonne. Alexandre. Nous, on a une prise de terre, au moins. Merci les copains, c'était trop cool. Yeah. Mais nous, on n'est pas loin. Mais écoute, bon appétit. Exactement. Yes. Du love. Trop bien. Ouais, bah ouais, c'est ouais, on a pas tout dit. Tellement bien. On est tellement bien. On est tellement, tellement. C'est trop bien ça. Petit gars là. Ah. Loops from the